parler des castors de Dolbeau, ça a pas bien été pour les castors en fin de semaine. On en parle avec l'instructeur chef Daniel Tremblay. Salut Daniel. Salut Danny, oui, ça va bien. Ça a pas bien été. Est-ce que je me trompe en disant ça? Tu te trompes pas vraiment. Écoute, le premier match contre les Marquis de Jonquière vendredi soir, ça se résume assez rapidement. On s'est pas présenté. Les joueurs ne se sont pas présentés. Écoute, on était deuxième à tous les niveaux, toutes les facettes du jeu. Donc, on a terminé deuxième également au niveau du chronomètre, au niveau du tableau d'affichage. Puis dimanche, on a perdu. Dimanche contre les Saguenay de Chicoutimi, c'est pas parce qu'on n'a pas bien travaillé. On a très bien travaillé. On s'est buté à un gardien excellent, qui a fait des arrêts clés. Puis, mais les joueurs ont très bien joué. Cependant, j'ai rien à retirer sur l'effort collectif les jeunes pour dimanche. OK. Là, il arrive quoi, là? Parce que je regardais sur le site de la Ligue, vous n'êtes pas là. Donc, j'imagine que vous êtes à l'extérieur en tournoi, j'imagine? Oui, exactement. Non, on est à Sept-Îles. OK, vous êtes à Sept-Îles. On part jouer nos matchs à Sept-Îles. On part samedi matin à 5h. Okay. Puis, c'est ça. Puis, on joue samedi après-midi. On joue samedi soir. On joue dimanche matin. Ouais. Puis, on s'en revient dimanche en fin de journée. On va arriver vers 10h, planchoir. OK. Je sais que dans le temps que je parlais avec David, il n'aimait pas ça, là, cette île. Toi, comment tu trouves ça? Ben, écoute, moi, je vois aucun problème à la Sept-Îles. Eux doivent se déplacer très souvent. Je vois pas pourquoi que nous, on ne se déplacerait pas. Fait que non, moi, je vois aucun problème à ça. Écoute, c'est sûr que c'est loin. C'est une longue route, mais ça fait partie du match. On le savait en début de saison. C'est correct de même. Les jeunes de Sept-Îles ont le droit de jouer au club. Ben oui, c'est sûr. Puis pour vous autres, ça peut resserrer les liens aussi, un voyage de même. C'est peut-être le plus grand voyage de l'année, quoi. Oui, c'est notre plus grand voyage de l'année. C'est 8 heures de route, 8 heures et demie de route. Cependant, je dois dire que la morale de la troupe est quand même très bon. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Oui, c'est le fun. Moi, je vais en profiter pour faire mes évaluations de joueurs en montant. Je vais rencontrer chacun des joueurs individuellement pour faire un état de situation. Puis on va joindre l'utile à l'agréable. On va là-bas, on a des choses de prévu avec les jeunes. Puis ça devrait très bien se dérouler. OK, mais si on se rappelle bien, donc c'est des points à aller chercher, là. C'est des points faciles à aller chercher parce que cette île des Baie-Comeau sont pas des équipes fortes, là. Ben, écoute, si on regarde effectivement le classement, sauf que tu sais, ils ont plusieurs matchs perdus par un point. Ils ont quand même un certain nombre de buts de marqués. Tu sais, moi, j'ai bien peur des équipes de bas de classement, là, ça me fait toujours peur. Okay. Est-ce que l'équipe est en santé de cet ainsi? J'ai un blessé. Okay. J'ai un seul blessé. J'ai un défenseur de blessé qui nous accompagnera pas. Il est arrêté pour de 2 à 4 semaines. Qui nous accompagnera pas à cette île. Okay. Mais outre ça, non, tout va bien outre ça. OK. Ben, Daniel, on se parle la semaine prochaine, comme d'habitude, notre rendez-vous hebdomadaire. Écoute, Danny, aucun problème. Okay. Je te remercie beaucoup. Passe une bonne semaine. C'était l'instructeur chef des Castors de Debout, Daniel Tremblay.